L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, notre émission sera consacrée à la présentation de saison 2015-2016 à l'apostrophe avec plusieurs invités. Aujourd'hui, Joël Pommerat, metteur en scène pour la création Ça ira, fin de Louis à l'affiche en décembre prochain au Théâtre des Louvrés à Pontoise. Marcel Bozonnet, metteur en scène également pour Soulèvement, une création collective des comédiens voyageurs qui sera à l'affiche en novembre prochain sur le Théâtre des Arts à Cergy. Anne-Laure Liégeois, metteur en scène pour la pièce Les Époux, spectacle qui sera à l'affiche en mai 2016 dans le cadre de la Nuit du Théâtre au Théâtre des Arts à Cergy. Enfin, Olivier Dubois, chorégraphe pour la création Les Mémoires d'un Seigneur ou L'Homme Disparu, spectacle présenté dans le cadre d'Escaldance en Val d'Oise en avril 2016. Et pour commencer, notre invité permanent, Jean-Joël Le Chapelain, directeur de l'apostrophe, avec qui nous coproduisons cette émission. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Notre premier invité, Jean-Joël Le Chapelain, directeur de la scène nationale L'Apostrophe, ici sur Cergy-Pontoise, mais qui rayonne, comme chacun le sait, sur le Val d'Oise et bien au-delà. Une nouvelle saison 2015-2016 qui s'annonce sous le signe des spectacles vivants avec un édito titré « Un théâtre public ». Peut-être l'occasion, Jean-Joël Le Chapelain, de rappeler ce qu'est un théâtre public par les temps qui courent. Oui, un théâtre public, c'est comme son nom le laisse supposer, un théâtre qui est financé par la puissance publique. Alors, dans ce pays, on a quelquefois du mal à reconnaître les siens, si je puis dire cela comme ça, au sens où l'État ou les collectivités locales et où les collectivités locales interviennent pour soutenir des projets, qu'ils soient des festivals, des compagnies et des théâtres évidemment. Et donc dans le panel des théâtres, eh bien il y a tous ceux qui ont été soutenus, initiés même par les collectivités publiques afin que une action artistique existe dans un territoire donné. Alors c'est le cas de la plupart des villes nouvelles, ex-villes nouvelles d'ailleurs, puisque c'était pensé à l'origine dans les années 70 comme un élément structurant pour la vie des habitants, de telle sorte que à côté de l'école, à côté de la formation musicale ou chorégraphique dans les conservatoires, à côté des grandes écoles qui pouvaient installer, des universités, comme c'est le cas à Cergy-Pontoise aussi, eh bien, il y avait un théâtre qui était structurant sur le plan de l'art vivant. Donc le théâtre public est celui-là. Donc si on veut rappeler cela, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a peut-être des interrogations de la part des financeurs publics sur, je ne dis pas le bien fondé, mais enfin sur le développement que l'on pourrait donner à ces ces établissements. Et donc nous rappelons que c'est un regroupement, c'est un plurifinancement qui permet cette activité, puisque c'est un modèle qui est assez unique, enfin il l'est en tout cas en Europe et dans beaucoup de pays du monde aussi. Et c'est d'ailleurs pour cela un modèle pour un certain nombre de nos voisins immédiats, en Europe notamment. Et c'est un modèle au sens où l'adjonction d'énergie de la part de l'État, de la part des collectivités locales, départements, villes, agglomérations et régions, permet de soutenir un projet culturel qui est discuté dans un conseil d'administration qui rassemble toutes ces personnes. Donc, voilà, nous réaffirmons ces valeurs du théâtre public, et quand on sait ce que l'on vient de vivre au mois de janvier avec les attentats sur Charlie Hebdo, on se dit que c'est un endroit aussi qui peut porter ces valeurs de laïcité, de tolérance et en même temps d'ouverture au monde par le biais des artistes qui sont irremplaçables. Également l'occasion de rappeler que la culture est aussi une réponse à la crise, car effectivement, sur le plan budgétaire, on voit qu'effectivement la culture est parfois malmenée. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu schizophrénique, au sens où nous avons un État qui réaffirme depuis quelque temps, après avoir sanctuarisé le budget du ministère de la Culture, mais après l'avoir réduit, malgré tout, on est bien obligé de le dire, qui aujourd'hui, le président de la République l'avait annoncé et le Premier ministre a relayé cette orientation, sanctuarise le budget du ministère de la Culture au plus haut niveau. Et il demande aux collectivités locales de faire de même, et il se propose même d'accompagner les collectivités locales qui seraient dans cette ligne-là. Mais parallèlement, les collectivités locales sont confrontées à des baisses de dotation de l'État. Donc c'est pour ça que la schizophrénie n'est pas loin quand on est face à cette situation. Alors que tout le monde est d'accord pour dire que il faut réduire la dépense publique, etc. Mais toute la question est la question du dosage. Jusqu'à quel niveau faut-il aller? Et il ne nous semble pas que réduire beaucoup les budgets d'un théâtre va beaucoup contribuer à l'amélioration de la vie locale. L'apostrophe, c'est une scène nationale, c'est deux théâtres d'agglomération, ici à Cergy-Pontoise, Théâtre des Arts à Cergy, Théâtre des Louvrets à Pontoise, c'est trois artistes en résidence, François Verrès, Les Chiens de Navarre et le dernier qui arrive, Yom. Voilà. Alors, les deux théâtres, nous n'y sommes pour rien, c'est dans le corbeil de mariage, si on peut s'exprimer ainsi, de l'agglomération et de la tutelle qui nous donne cet outil, qui nous confie cet outil pour faire la mission qu'on nous demande. Par contre, les artistes en résidence, c'est nous qui les choisissons et c'est dans le cadre du projet qu'on développe. Tout cela pour dire qu'un autre directeur aurait peut-être d'autres orientations. En tout cas, nous, en effet, on structure la saison autour de ces artistes, un en théâtre, un en danse, l'autre en musique, pour finalement permettre sur un long terme, de l'ordre de 2, 3 ans, 4 ans quelquefois, un parcours, permettre un parcours, faciliter le parcours de ces artistes, les soutenir pour la création, permettre au public de voir leur diffusion, avoir une politique de rapprochement qui permette au public de se rendre compte de quel est le langage particulier, les thématiques qu'aborde tel ou tel, de telle façon que finalement on fait un bout de chemin avec eux. Et en effet, en théâtre, nous avons Les Chiens de Navarre depuis 2 années, qu'on ne verra pas beaucoup dans la saison en dehors d'un spectacle qu'on aura dans Périphérique au mois de février, qui est un spectacle de répertoire parce qu'ils ont une activité extrêmement intense compte tenu de l'écho que remporte leur spectacle. En danse, nous avons le long parcours que nous avons engagé avec François Verrès depuis à peu près un an maintenant et qui rencontre beaucoup de spectateurs sur le terrain, qui les associe à sa recherche dans un grand mouvement autour de Chantier 14-18, 2014-2018, en écho évidemment à la réflexion qu'il propose en relation avec les événements du début du siècle dernier, 1914-1918. Et puis en effet, après Pierre de Bedman, qui a passé trois ans avec nous, et qui a montré son talent dans plusieurs endroits de Cergy-Pontoise et du département, et nous avons proposé à Yom, qui est un clarinettiste, de faire un petit bout de chemin ensemble. Et d'ores et déjà, c'est un choix que nous trouvons très bon, si l'on en juge par l'audience qu'il a pu recueillir hier soir à la présentation de saison. Des rendez-vous bien institués comme Périphérique, ce qui se déroulera pour la 12e édition en janvier-février prochain, la Nuit du Jazz, 8e édition, et parmi les nouveautés de cette nouvelle saison, une Nuit du Théâtre qui s'inscrit dans le cadre de Théâtre et Politique. De mémoire, elle aura lieu le 26 mai prochain. Exactement, elle aura lieu dans le cadre de ce cycle Théâtre et Politique qu'on a initié il y a plusieurs années maintenant et que l'on ne regrette pas d'avoir mis sur le devant de la scène, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'artistes qui interrogent ces sujets dans lesquels ils vont puiser dans la riche matière du répertoire ou dans des œuvres plus récentes. Et donc cette Nuit du Jazz, on fait ce grand pas. Finalement, on passe de Shakespeare à David Lescaut dans un parcours que l'on propose aux spectateurs d'une nuit. Alors évidemment, ça ne sera pas toute une nuit, mais c'est un peu à l'image de la Nuit du Jazz, c'est-à-dire l'idée de rassembler deux projets forts et que ceux qui ont envie de parcourir un tel voyage le fassent avec nous. Et donc, il y aura le Richard III de Jean-Lambert Berville, qui dirige le centre dramatique de Montluçon, après avoir dirigé celui de Caen, et puis Anne-Laure Liégeois, qui vient de monter, le spectacle vient juste d'être créé, Les Époux, sur un texte de de David Lescot, qu'elle lui a commandé pour parler des époux Ceaușescu, la relation et explorer la relation, comme elle a monté déjà l'année dernière un Shakespeare qui était le Roi Lear. Elle voudrait continuer cette exploration des couples de pouvoir, et elle y réussit tout à fait dans ce duo magnifique avec deux comédiens superbes et qui nous plonge dans les affres de la déraison du pouvoir. Parmi les artistes, les créateurs qui figurent à l'affiche de cette programmation 2015-2016, de grands créateurs comme Joël Pommerat, Maggie Marin, Jean-François Sivadier, Marcel Bozonnet, Brad Meldo et bien d'autres, certains on va les retrouver dans la suite de cette émission aujourd'hui. Parmi les artistes qui viennent créer en quelque sorte aussi l'événement au cours de la saison à venir, c'est François Morel avec La fin du monde et pour dimanche, et il y aura une forme de prolongement dans sa rencontre avec l'apostrophe, puisqu'il va parrainer les Melting Pot 2016 qui auront lieu au mois de mars prochain. Un rendez-vous important pour l'apostrophe, une ruche de création interscolaire. Oui, c'est un événement, c'est devenu un événement assez fort et très identifiant en effet de la scène nationale, puisque ça fait une quinzaine d'années que le théâtre travaille en lien avec les établissements scolaires, le rectorat, le ministère de la Culture, autour des projets d'action culturelle qui sont développés dans les établissements scolaires avec des artistes. Ils sont une cinquantaine tous les ans à œuvrer en ce sens. Et ce rendez-vous qui d'abord était un après-midi, qui est devenu une journée entière, ensuite deux jours, en est maintenant à trois jours. Et en fait, on peut dire que nous sommes la seule scène nationale de la région Île-de-France à rassembler de 600 à 700 enfants, élèves, sur un événement autour du théâtre et des arts de la scène, puisqu'il y a aussi de la danse, dans l'ensemble de l'Île-de-France. Donc on est assez heureux de cela. Et en même temps, on voit bien que ça parle beaucoup, la forme que l'on a fini par trouver, ça parle beaucoup à ces jeunes générations qui attendent ça d'un événement d'une année sur l'autre, qui en parlent entre eux et qui se disent que c'est un rendez-vous pour eux assez fort. Et François Morel, dont on sait qu'il est valdoisien, certainement, et dont on connaît le parcours avec Jérôme Deschamps, est très intéressé par ces questions. C'est un homme qui a une forte humanité, très intéressé par la transmission, et qui a en effet, à notre demande, accepté de parrainer cet événement. Et donc il sera avec nous la veille ou le jour de l'ouverture de ces Melting Pot, qui suivront les deux jours où on l'accueillera ici dans cet opus sur la fin du monde et pour dimanche, qui est un parcours tendre, poétique. En même temps, de temps en temps, ça griffe un petit peu nos propres comportements, mais avec une telle tendresse que c'est un homme absolument formidable qu'on se réjouit d'accueillir une nouvelle fois sur notre plateau. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Vous avez dit pour présenter cette pièce qu'il ne s'agit pas d'une pièce politique, mais d'une pièce dont le sujet est la politique. Politique au sens d'interrogation sur l'humain. Alors c'est un vaste sujet. Joël Pommerat, vous allez donc nous présenter cette création qui sera donc à l'affiche à l'apostrophe en décembre prochain. Absolument. Je l'espère, vu que cette création n'est pas tout à fait terminée, même en écriture. On est en travail actuellement. Mais normalement, oui, c'est un spectacle qui a pour projet de parler du processus, de ce qu'on appelle le processus révolutionnaire de l'année 1789. Un processus qui a la particularité de vraiment faire une sorte de remise à zéro, une remise à plat de l'organisation de la société de l'époque, et qui permet donc théâtralement de travailler sur les balbutiements, l'apprentissage d'une nouvelle définition de la société, de l'organisation de la société, de l'organisation sociale, des relations bien sûr, et de tout ce qui est nommé aujourd'hui et déjà à l'époque la question politique. Vous resituez ça dans l'époque d'aujourd'hui également. Vous faites le lien avec la révolution aux présences. Vous dites que c'est aussi ce travail n'est pas pour se produire ou répéter les stéréotypes historiques et peut-être situer votre propos en dehors des grandes figures historiques, parce que généralement, quand on parle de la révolution, c'est toujours les héros ou les anti-héros. Mais pas forcément la révolution au sens collectif du terme. Voilà, les partis pris qu'on a essayé d'adopter, c'est effectivement de se dégager de cette facilité un peu d'aller toujours chercher les mêmes personnages très connus que sont Robespierre, Danton, etc. Et finalement qui font un peu écran avec la manifestation collective de cet événement et qui masque un petit peu la réalité de ce qui se passe au niveau même des idéologies. Parce que quand on parle de ces personnages, les Danton, les Robespierre, finalement on s'attache aussi beaucoup à leur personnalité, à leur psychologie, et on en arrive presque à déduire leur pensée politique, leurs idéologies, par rapport à leur tempérament, leur caractère, leurs petites histoires personnelles. Et ça peut être intéressant, mais c'est pas du tout l'angle qu'on a voulu prendre. C'est plutôt de rendre compte aussi que les grandes idées d'aujourd'hui, enfin les idées, les grandes, je ne sais pas si elles sont grandes, mais en tout cas les idées qui sont brassées dans la sphère politique aujourd'hui, sont finalement très très très proches de ce qui se commençait à se manifester à ce moment-là, et c'est intéressant je crois dans quelque sorte de nous regarder nous avec notre pensée politique d'aujourd'hui légèrement plus jeune et voir comment ça se passait au tout commencement, pour voir à la fois les différences et les grands points communs. Vous dites qu'on a essayé de rendre ça au présent, c'est-à-dire que pour le spectateur, normalement, il assistera à ces événements comme si ça se passait dans un contemporain, dans un monde contemporain. On ne travaille pas du tout sur la reconstitution historique des costumes, des mœurs, des choses qui presque pour moi sont anecdotiques, mais plutôt sur les émotions et les pensées. Et avec ce désir que ce qui est d'ordre intellectuel soit en lien avec le monde sensible quand même. Et c'est pour ça que je parle d'émotions, retrouver les émotions de ces événements qui ont été des événements énormes, gigantesques, des 7 janvier, enfin je sais plus quand s'est déroulée cette manifestation après les attentats, le 11, oui, on a vu comme ça une sorte de mouvement collectif se produire, et là c'est comme si pendant plusieurs années on avait vécu dans cette sorte de d'émotion collective d'un temps qui était totalement en train de se construire jour après jour, se redéfinir, une société qui se cherchait à se déterminer, à se définir, avec des choses très violentes aussi, pas que des choses... Vous questionnez l'avènement et l'événement de la démocratie. Vous disiez au commencement, le début c'est 1787... pour installer votre propos, vous parlez d'une archéologie de la pensée humaine. Donc, qui dit archéologie, on remonte dans l'histoire. Oui, enfin, archéologie, ça veut dire que finalement, c'est plus pour dire que finalement, pour comprendre ce qui politiquement nous occupe aujourd'hui, les questions, même la question de la finalement de la distance qu'on prend collectivement avec la chose politique. C'est intéressant d'aller comme un archéologue un peu gratter la terre pour essayer d'aller trouver des sortes de vestiges qui peuvent être un tout petit peu qui sont plus visibles à l'œil nu, donc, parce qu'il y a cette couche de terre qui les recouvre, mais de faire réapparaître des choses qui nous racontent, qui nous mettent en face avec des points de départ, des origines, qui nous font comprendre, en fait, par la racine, qui nous font comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment on en arrive là. Donc c'est plutôt archéologie dans ce sens. C'est en lien avec finalement comprendre notre présent, ou en tout cas le rendre plus concrètement perceptible. Après, c'est vrai que nous on a fait aussi le choix de pour raconter 89 de partir politiquement des deux trois années précédentes, où il se joue évidemment des choses très importantes qui font que 89 a eu lieu, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire les événements précédents ont une grande importance par rapport au déclenchement des événements que nous on connaît de juillet 89. Le sujet, on l'a bien compris, vous êtes parti d'un travail d'écriture qui s'est réalisé à base d'improvisation, je crois avoir lu. Et pour cela, vous avez eu recours, vous vous êtes appuyé sur des discours, des témoignages, des journaux, des archives, pour en faire un matériau, ce qui a permis la construction de ce spectacle. Oui, on a évidemment, c'est aussi ce qui m'intéressait, de pouvoir travailler à partir de ces archives. On a beaucoup utilisé de documents. Je voulais écrire à partir de la réalité, même si j'ai fait le choix que cette réalité elle est historiquement un petit peu passée. J'avais envie de vraiment partir, enfin construire une écriture sur le document réel, sur les archives, que ce soit, vous l'avez dit, les correspondances, les mémoires, les comptes rendus politiques de toutes les réunions d'assemblées qui se sont déroulées à ce moment-là. Il y a énormément de traces de tout ça. Donc on peut vraiment faire un travail, encore une fois, presque archéologique, d'aller chercher la parole réelle que j'ai retravaillé, que j'ai recréé, enfin que j'ai réécrit avec les comédiens avec qui je travaille, qui sont associés pleinement à ce travail de réécriture. Et voilà, ça donne une chose qui est à la fois de l'ordre de, on peut dire, de la fiction et du réel. En même temps, effectivement, avec toute cette matière, on peut avoir des partis pris, un regard particulier, se placer sous un angle ou sous un autre. Vous avez fait le choix de raconter impartialement, éviter le dogmatisme, la simplification, mais aussi l'illustration, car le sujet pourrait prêter à quelques simplifications. Oui, simplification, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tendance à réduire cette histoire-là à des questions d'ordre un petit peu personnel, psychologique. Et voilà, on a essayé d'ouvrir le champ, et c'est pour ça qu'aussi, moi j'ai plutôt essayé de mettre en avant des personnages qui sont pas forcément des personnages très connus de la Révolution, en tout cas beaucoup moins connus que ceux dont on a parlé tout à l'heure. Et aussi de montrer la masse, quoi, j'allais dire. Vous allez comprendre quand je vais vous dire qu'on est 14 comédiens sur le plateau, donc ça veut dire que il y a un mouvement collectif aussi qui peut s'exprimer avec une troupe d'acteurs aussi importante. C'est vraiment le collectif qui est le collectif, ou en tout cas c'est pas l'individu isolé, c'est l'individu au milieu des autres et confronté à l'autre. Et évidemment, c'est ça la question politique, c'est comment on fait pour vivre ensemble, comme on dit, quoi. Donc c'est vraiment cette grande action du collectif qui essaye de trouver les solutions pour se relier, pour communiquer, pour construire. Alors, un spectacle techniquement léger, mais en même temps avec beaucoup de monde sur scène. Vous venez de parler des acteurs, mais je crois savoir qu'il y a aussi la participation envisagée de comédiens amateurs, situés entre 30 et 100. Donc là, le mouvement du collectif prendra à corps. Et plus encore, le public ne sera pas forcément passif, puisqu'il est sollicité dans son rôle comme partenaire de la pièce, représentant la foule, l'assemblée. Il y a une ambiguïté, c'est-à-dire que bien sûr le spectateur va être au cœur du dispositif, donc vous avez raison, sauf que je voudrais pas laisser penser que le spectateur sera amené à en quelque sorte faire action de jeu, vraiment non, il se retrouvera au cœur, par exemple, de l'assemblée, puisque beaucoup de choses. Et encore une fois, vous avez raison, beaucoup de choses de l'ordre de l'action théâtrale se déroulera dans le gradin avec le public. Donc la scène et la salle ne seront pas séparées. Il y aura vraiment, finalement, l'air de jeu, c'est vraiment le théâtre en entier, c'est-à-dire le gradin et la scène ensemble. Merci Joël Pomeras. Juste, je rappelle donc deux représentations se programmer à l'Apostrophe en décembre prochain, les 3 et 4 décembre, et un spectacle qui sera également présenté dans le cadre du Festival théâtral du Val d'Oise. Un grand merci à vous. Une pause en musique avec Stefano Di Battista qui se produira à l'Apostrophe Théâtre des Louvrets le 8 mars prochain, un concert en partenariat avec votre radio locale RGB. Écoutons, découvrons un extrait de son album Woman's Land, Valentina Tereshkova. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Marcel Bozonnet, nous allons parler d'un spectacle qui a pour titre Soulèvement. Le pluriel ou le singulier est autorisé? Ce sont à la fois la notion de soulèvement et les soulèvements. C'est un retour vers la Révolution française et en même temps, ce sont les derniers soulèvements, c'est-à-dire les soulèvements arabes. Question posée en effet par ce spectacle, pourquoi et comment un peuple se soulève? C'est une vaste question à laquelle l'homme de théâtre apporte une réponse. Ce que j'avais envie de faire, c'était de retourner vers la comédie, vers la Révolution française qu'on étudie quand on est enfant et puis... Après, dans l'âge adulte, on l'oublie

toute information et pour toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés à l'occasion de cette émission et pour découvrir la programmation complète de cette nouvelle saison, ce 2015-2016 à l'apostrophe, composez le 01 34 20 14 14 ou le www.l'apostrophe.net. Remerciements à tous nos invités ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour la réalisation technique, émission qui sera rediffusée samedi 13 juin de 9 à 10 heures sur RGB, sur le 99.2 FM ainsi que sur radio-rgb.net. Pour le prochain numéro de l'apostrophe, l'émission, rendez-vous est donné à la rentrée le mercredi 9 septembre sur RGB 99.2 FM de 19 à 20 heures. D'ici là, eh bien, au plaisir de vous retrouver à l'apostrophe, à Cergy Pontoise et sur votre radio locale RGB et sur radio-rgb.net. À bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.